Chapitre 11 du livre d'Esther, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. La quatrième année du règne de Ptolémée et de Cléopâtre, Dosité, qui se disait prêtre et de la race de Lévi, et Ptolémée son fils, apportèrent cette lettre des Furim, qu'ils disaient avoir été traduite à Jérusalem par Lysimaque, fils de Ptolémée. Note du traducteur. Ce qui suit était le commencement de ce livre dans l'édition Vulgate, mais il ne se trouve point dans l'hébreu ni dans aucun autre interprète. Fin de la note. La seconde année du règne du très grand Artaxerxès, le premier jour du mois de Nisan, Mardochée, fils de Jaïr, fils de Sémeï, fils de Cis, de la tribu de Benjamin, eut un songe. C'était un juif qui demeurait dans la ville de Suse, homme puissant et des premiers de la cour du roi. Il était du nombre des captifs que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait transporté de Jérusalem avec Jéconias, roi de Juda. Et voici le songe qu'il eut. Il apparut des voix, et du tumulte, et des tonnerres, et des tremblements de terre, et des troubles sur la terre. Et voici deux grands dragons, prêts à combattre l'un contre l'autre. À leur cri, toutes les nations se soulevèrent pour combattre contre la nation des justes. Et ce jour fut un jour de ténèbres et de périls, d'affliction et d'angoisse, et de grande épouvante sur la terre. Et la nation des justes fut troublée, redoutant ses malheurs et se disposant à la mort. Et ils crièrent vers Dieu, et, au bruit de ces cris, une petite fontaine devint un grand fleuve et répandit une grande abondance d'eau. La lumière et le soleil parurent, et ceux qui étaient humiliés furent élevés, et ils dévorèrent ceux qui étaient dans l'éclat. Mardochée, ayant eu cette vision et s'étant levé de son lit, pensait en lui-même ce que Dieu voulait faire. Et elle lui demeura gravée dans son esprit, et il désirait savoir ce que ce songe signifiait. Fin du chapitre 11.